Atreyu et Artax avaient parcouru le désert des espoirs unis. Il ne leur restait plus qu'une chance de trouver le sage dans l'immortel marécage de la mélancolie. Laisse-moi une prod qui en jette, que mon entrée se fasse en grande pompe. En attendant que mon destin vienne à ma rencontre, j'ai le souci des rimes. Plus qu'en froid avec le game, entre nous le climat est sibérique. Pour ma part, cette vie n'est qu'une garce. J'ai compris qu'un dénouement dramatique est inéluctable. De fil en aiguille, ça dégénère et je suis pas couturier. Je reste odieux comme à l'accoutumée. J'ai pas la clé de la réussite, en prime on me ferme les portes. J'envoie du lourd sans en faire des tonnes. Peu de chance que les démunis s'empiffrent. On a tous un pied dans la tombe, je plains sincèrement les unis, j'en piste. Toutes des salopes à part mes sœurs. À cheval sur les principes, alors je ferai cavalier seul. L'antipathie, je la chante à tue-tête. Connaissant mon prochain, l'isolement est plus que salutaire. La déchéance m'a pris pour cible. On fait tout pour mener sa barque et Charon attend son pourliche. Je m'excuserai pas si mes propos dérangent. Plus le temps passe, plus ma rancœur devient prépondérante. Lucifer mène la danse, la vengeance ouvre le bal. Et je tente vainement de passer outre le bad. Mes propres sentiments me parasitent. J'évite qu'on me tienne par les couilles pour ne pas finir tel David Carradine. Mes faiblesses et ma fierté qui les a vues naître. Mon odyssée est jalonnée de présages funestes. Bâtir ses lendemains sur un terrain vague. Mes parents s'en sont chargés, je n'ai nul besoin de me faire un blaze. Je trace pas ma route en la choisissant. Si je dois tomber plus bas, enterrez-moi vivant. Et je n'y peux rien si ça sonne cloche. Je fais que des sons de bâtard, la mauvaise graine est qu'est Jon Snow. Bienvenue dans le cimetière des philanthropes. Au programme, il est prévu que l'abîme m'emporte. Pas mal de déceptions au total. Je voulais remonter la pente, j'entame l'ascension du Golgotha. Cette routine m'a rendu irascible. Et je me méfie des autres comme si je venais d'une famille raciste. Mes rêves de gosse m'ont fait faux bond. J'ai le regard plongé dans l'œil de Sauron. Leurs simagrées me font mal au crâne. Je démarre au quart, c'est pas demain que je vendrai mon art au diable. En vérité, je n'ai pas mis l'ami. Tu peux toujours me critiquer, je prends pas la mouche comme être Miyagi. Ensanglanté sera le requiem. Trop de péchés à mon actif pour voir exaucer mes prières. Un paquet que je vois encore Céus. J'avalerai pas la pilule à moins d'être face à Morpheus. J'épiloguerai pas pendant des heures. Mes semblables n'ont pas la main verte, vont pas me faire des fleurs. Prédisposé à cracher de maudites phases. La soif de vivre ne s'étanche pas chez Moses Lac. Y'aura pas d'entente à l'amiable. Tellement proche de la faucheuse qu'elle m'appelle par mon alias. La musique se mélange à nos drames. Je partirai dans un linceul, j'ai toujours été dans de beaux draps. Ce qui m'attend, j'en ai une idée précise. Personne ne me sauvera in extremis. Je m'en tamponne que l'on calomnie sur ma voix. RTV aux confins du purgatoire. Témoin de tant d'actinomane. Chaque jour on joue avec le feu sans être pyromane. Le futur une sombre arnaque. Les marécages de la mélancolie vont m'ensevelir comme Artax. Ce qui m'attend, j'en ai une idée précise. Personne ne me sauvera in extremis. Je m'en tamponne que l'on calomnie sur ma voix. RTV aux confins du purgatoire. Témoin de tant d'actinomane. Chaque jour on joue avec le feu sans être pyromane. Le futur une sombre arnaque. Les marécages de la mélancolie vont m'ensevelir comme Artax. Faut que tu bouches sinon tu vas mourir. Bouge s'il te plaît. N'abandonne pas.